Quels sont les instruments électroniques qui peuvent t'aider à percevoir les entités? 1. Introduction aux instruments électroniques dans la spiritualité. En tant qu'humain, nous sommes depuis longtemps fascinés par les mystères du domaine spirituel et l'existence d'entités au-delà de notre domaine physique. Tout au long de l'histoire, divers outils et techniques ont été utilisés pour se connecter et percevoir ces entités spirituelles. Ces derniers temps, les progrès de la technologie ont introduit une nouvelle dimension à notre exploration spirituelle, les instruments électroniques. Ces appareils sophistiqués ont été conçus pour aider à percevoir et à comprendre l'énergie spirituelle, comblant ainsi le fossé entre les mondes physiques et métaphysiques. Cet article vise à fournir un aperçu des instruments électroniques existants qui peuvent aider à percevoir les entités dans la spiritualité, en explorant leurs fonctions, applications, limites et considérations éthiques. Comprendre le rôle des instruments électroniques dans la spiritualité. Lorsqu'il s'agit de spiritualité, nous l'associons souvent à des expériences intangibles et à des liens avec des royaumes supérieurs. Cependant, ces dernières années, les instruments électroniques sont devenus des outils permettant de percevoir et d'interagir avec des entités spirituelles. Ces instruments servent de pont entre les mondes physiques et métaphysiques, aidant les individus à explorer et à comprendre le domaine spirituel de nouvelles manières. Contexte historique des instruments électroniques dans les pratiques spirituelles. L'utilisation d'instruments électroniques dans les pratiques spirituelles a une histoire fascinante. Tout a commencé avec le développement de technologies telles que les radios et les enregistreurs au début des années 1900, qui ont conduit par inadvertance à la découverte des phénomènes vocaux électroniques, EVP. Au fil des années, divers instruments ont été adaptés et réutilisés pour faciliter la communication spirituelle, ouvrant ainsi de nouvelles voies d'exploration à ceux qui cherchent à se connecter avec l'au-delà. 2. Le rôle de la perception dans les entités spirituelles. Explorer différents types d'entités spirituelles. La spiritualité englobe un large éventail de croyances et d'entités, des anges et esprits aux fantômes et autres êtres métaphysiques. Chacun a ses propres caractéristiques et énergies, et comprendre ces distinctions est crucial lorsque l'on tente de les percevoir et d'interagir avec elles au moyen d'instruments électroniques. L'importance de la perception dans les connexions spirituelles. La perception joue un rôle essentiel dans l'établissement de liens significatifs avec les entités spirituelles. Cela nous permet de nous connecter à leur énergie, de recevoir des messages et d'acquérir des connaissances au-delà de nos sens physiques. Les instruments électroniques peuvent amplifier et affiner notre perception, permettant une compréhension plus profonde des messages et des énergies qui existent dans le domaine spirituel. 3. Instruments électroniques pour percevoir l'énergie spirituelle. Introduction aux instruments de détection de l'énergie spirituelle. Plusieurs instruments électroniques ont été conçus spécifiquement pour détecter et mesurer l'énergie spirituelle. Ces instruments, tels que les compteurs IMF, champs électromagnétiques, et les boîtes à esprit, utilisent une technologie de pointe pour capturer et interpréter les fluctuations d'énergie subtiles qui sont souvent associées à la présence spirituelle. Explorer la fonctionnalité des compteurs IMF. Les compteurs IMF sont couramment utilisés dans les enquêtes paranormales pour détecter les fluctuations du champ électromagnétique. On pense que des entités spirituelles peuvent manipuler ces champs, entraînant des pics ou des baisses des lectures. En utilisant un compteur IMF, les enquêteurs peuvent identifier les zones à forte activité spirituelle et potentiellement établir une communication avec des entités au-delà de notre domaine physique. Comprendre le but des boîtes à esprit. Les boîtes à esprit, également connues sous le nom de boîtes fantômes ou communicateurs spirituels, sont des appareils électroniques qui créent un flux constant d'extraits audio aléatoires à partir de fréquences radio. On pense que les esprits peuvent manipuler ces fréquences pour communiquer des messages, souvent sous la forme de mots ou d'expressions fragmentées. Les boîtes spirituelles offrent une plateforme d'interaction en temps réel avec le royaume spirituel, créant une expérience unique et intrigante. 4. L'utilisation d'instruments électroniques dans les enquêtes paranormales. Application des instruments électroniques à la recherche paranormale. Les enquêtes paranormales s'appuient largement sur des instruments électroniques pour capturer des preuves de présence spirituelle. Ces instruments aident non seulement à détecter les fluctuations d'énergie, mais enregistrent également des preuves audio et vidéo pouvant fournir un aperçu du domaine spirituel. Grâce à l'utilisation d'instruments électroniques, les chercheurs peuvent collecter des données et documenter leurs expériences, contribuant ainsi à l'étude continue de la spiritualité et des phénomènes métaphysiques. Technique d'utilisation d'instruments électroniques dans les enquêtes. Pour garantir des résultats précis et fiables, des techniques appropriées doivent être utilisées lors de l'utilisation d'instruments électroniques dans des enquêtes paranormales. Cela comprend l'établissement d'une base de référence pour une activité électromagnétique normale, la réalisation d'expériences contrôlées et le maintien d'un état d'esprit critique. En combinant l'expertise technique avec une approche respectueuse et ouverte, les enquêteurs peuvent maximiser le potentiel des instruments électroniques pour découvrir les mystères du monde spirituel. Ainsi, la prochaine fois que vous serez curieux de connaître l'existence d'entités spirituelles ou la possibilité de vous connecter avec elles, les instruments électroniques peuvent offrir une voie d'exploration fascinante. Que vous soyez sceptique ou croyant, ces instruments offrent une perspective unique sur le domaine spirituel et nous invitent à approfondir les mystères qui se cachent au-delà de nos sens physiques. 5. Explorer la spiritualité à travers les détecteurs de champs électromagnétiques. Comprendre le lien entre l'énergie spirituelle et les CEM. Lorsqu'il s'agit d'explorer la spiritualité, une approche fascinante implique l'utilisation de détecteurs de champs électromagnétiques, CEM. Ces appareils sont conçus pour détecter et mesurer les champs électromagnétiques qui nous entourent. De nombreux praticiens spirituels croient que l'énergie spirituelle peut se manifester sous forme de fluctuations dans ces domaines. En comprenant le lien entre l'énergie spirituelle et les CEM, nous pouvons utiliser ces détecteurs pour potentiellement percevoir la présence d'entités dans le domaine spirituel. Technique d'utilisation des détecteurs IMF pour détecter la présence spirituelle. Utiliser des détecteurs IMF pour détecter une présence spirituelle nécessite une combinaison d'ouverture d'esprit et un peu d'expérimentation. Une technique consiste à établir une lecture de base du champ électromagnétique dans une zone particulière, puis à rechercher des écarts significatifs par rapport à cette ligne de base. Ces déviations pourraient indiquer la présence d'énergie spirituelle. De plus, les praticiens recommandent souvent d'utiliser des détecteurs IMF avec d'autres outils, tels que la méditation ou la divination, pour améliorer leur capacité à percevoir les entités spirituelles. 6. Outils de communication spirituelle, enregistreurs EVP et boîtes fantômes. Aperçu des enregistreurs EVP et de leur rôle dans la communication spirituelle. Les enregistreurs de phénomènes vocaux électroniques, EVP, sont devenus des outils populaires pour la communication spirituelle. Ces appareils sont capables de capturer des fréquences audio qui peuvent ne pas être audibles par l'oreille humaine. Beaucoup croient que les esprits peuvent imprimer leur voix ou leur message sur ces fréquences, nous permettant ainsi de communiquer avec eux. Les enregistreurs EVP fournissent un moyen de capturer et d'analyser ces voix spirituelles potentielles, ouvrant ainsi un canal de communication unique entre les royaumes physiques et spirituels. Utiliser des boîtes fantômes pour la communication spirituelle en temps réel. Un autre outil intrigant pour la communication spirituelle est la Ghost Box. Cet appareil électronique balaie rapidement les fréquences radio, créant un flux constant d'extraits sonores. On pense que les esprits peuvent manipuler ces extraits pour former des réponses ou des messages cohérents. Les utilisateurs peuvent poser des questions et la Ghost Box peut produire des mots ou des expressions pertinents ou significatifs. Même si les interprétations peuvent être subjectives, la nature en temps réel de la communication ajoute un élément passionnant à l'exploration de la spiritualité. 7. Instrument électronique pour l'imagerie de l'aura et l'équilibrage des chakras. Comprendre l'imagerie de l'aura et sa relation avec la spiritualité. L'imagerie de l'aura est une pratique fascinante qui vise à capturer et visualiser les champs énergétiques qui entourent les êtres vivants. Divers instruments électroniques, tels que les appareils de biofeedback, utilisent des capteurs pour détecter les changements physiologiques dans les champs électromagnétiques du corps. Ces changements se traduisent ensuite en représentations colorées de l'aura de l'individu. L'exploration de l'imagerie de l'aura peut donner un aperçu de l'énergie spirituelle d'une personne et contribuer à la compréhension et au développement de la spiritualité. Explorer les instruments électroniques pour équilibrer les chakras. On pense que les chakras sont des centres énergétiques situés le long des voies énergétiques du corps. L'équilibre de ces chakras est un aspect important de la croissance spirituelle. Des instruments électroniques, tels que des appareils de biorésonance ou des outils de thérapie sonore, peuvent être utilisés pour aider à aligner et équilibrer les chakras. Ces instruments émettent des fréquences ou vibrations spécifiques qui correspondent à chaque chakra, visant à rétablir l'harmonie et à favoriser le bien-être spirituel. 8. Limites et considérations éthiques liées à l'utilisation d'instruments électroniques pour la perception spirituelle. Reconnaître les limites des instruments électroniques dans la spiritualité. Même si les instruments électroniques peuvent être des outils fascinants pour explorer la spiritualité, il est crucial de reconnaître leurs limites. Ces dispositifs reposent sur l'interprétation de données, qui peuvent être subjectives et influencées par des préjugés personnels. De plus, toutes les expériences capturées par les instruments électroniques ne peuvent pas être définitivement attribuées à des entités spirituelles, car des phénomènes naturels et des facteurs externes peuvent créer de fausses lectures. Il est essentiel d'aborder leur utilisation avec un esprit critique et discernant. Considération éthique dans l'utilisation d'instruments électroniques pour la perception spirituelle. L'utilisation d'instruments électroniques pour la perception spirituelle soulève des considérations éthiques. Il est important d'obtenir le consentement de toutes les parties impliquées avant d'utiliser ces outils dans la communication spirituelle. De plus, le respect du domaine spirituel et des entités qui le composent est crucial. Il est conseillé d'aborder la communication spirituelle avec empathie, sensibilité et une véritable intention d'interaction positive. Être conscient de l'impact potentiel de ces instruments sur les domaines physiques et spirituels est essentiel pour une pratique éthique et responsable. En conclusion, les instruments électroniques offrent une voie unique et intrigante pour explorer la spiritualité et percevoir des entités au-delà de notre réalité quotidienne. De la détection de l'énergie spirituelle avec des compteurs IMF à la communication via des enregistreurs EVP et des boîtes fantômes, ces outils fournissent un moyen d'approfondir les mystères du royaume spirituel. Cependant, il est essentiel d'aborder leur utilisation avec prudence, en reconnaissant leurs limites et en considérant les implications éthiques impliquées. En exploitant le potentiel des instruments électroniques tout en maintenant une perspective équilibrée, nous pouvons continuer à élargir notre compréhension de la spiritualité et à améliorer notre connexion avec le monde invisible. En résumé, voici quelques-uns des instruments les plus couramment utilisés. Cadmiteur. Le cadmiteur, également connu sous le nom de K2IMF Meter, est un appareil qui détecte les champs électromagnétiques, IMF. Certains enquêteurs paranormaux croient que les entités peuvent influencer les champs IMF, donc si le cas de Mitter détecte des variations inexpliquées du champ IMF, cela peut être considéré comme une indication possible de la présence d'une entité. Spirit Box. Une Spirit Box, également appelée Ghost Box ou Frank's Box, est un appareil qui scanne rapidement les fréquences radio, générant ainsi un flux constant de sons blancs ou de fragments audio. Les enquêteurs paranormaux pensent que les esprits peuvent utiliser ces sons pour communiquer avec eux en manipulant les fragments audio pour former des mots ou des phrases significatives. Digital Voice Recorder. Un enregistreur vocal numérique est couramment utilisé lors des enquêtes paranormales pour capturer des enregistrements audio. Les enquêteurs peuvent poser des questions et attendre des réponses potentielles des entités. Lors de l'écoute des enregistrements, des voix ou des bruits inexpliqués peuvent être perçus, ce qui est interprété comme une communication possible avec des entités. Thermal Imaging Camera. Une caméra thermique, qui enregistre les variations de température, est utilisée pour détecter des changements de température qui ne peuvent pas être expliqués par des facteurs environnementaux normaux. Certains enquêteurs croient que les entités peuvent générer des différences de température lorsqu'elles sont présentes. REM Pod. Le REM Pod est un appareil qui détecte les variations du champ électromagnétique, IMF, et des champs électrostatiques autour de lui. Il émet également une lumière et émet un son lorsque des changements significatifs dans ces champs sont détectés. Certains enquêteurs pensent que cela peut être un moyen pour les entités de manipuler les champs EMF pour communiquer. Gaussmètre. Un gaussmètre est un appareil qui mesure les champs magnétiques, y compris les champs électromagnétiques, EMF. Comme le cas de Mitter, il peut être utilisé pour détecter des variations inexpliquées du champ IMF qui pourraient être associées à la présence d'entités. Détecteur de mouvement. Les détecteurs de mouvement sont souvent utilisés pour surveiller les mouvements dans une zone donnée. Dans le contexte paranormal, ces détecteurs peuvent être placés dans des endroits censés être hantés pour détecter tout mouvement ou activité inexpliquée. Système de surveillance vidéo. Les caméras de surveillance vidéo, y compris les caméras infrarouges, sont utilisées pour capturer des enregistrements visuels dans des zones ciblées. Elles peuvent être utiles pour détecter des phénomènes visuels inattendus ou des manifestations éventuelles. Ovilu. L'Ovilu est un appareil électronique spécifique à la recherche paranormale. Il est conçu pour générer des mots ou des sons en fonction des variations de l'environnement, telles que les fluctuations de température, les champs électromagnétiques, etc. Les chercheurs croient que les entités peuvent utiliser ces mots pour communiquer. Système de détection de mouvement de l'air. Ces systèmes utilisent des capteurs pour détecter les mouvements de l'air, comme des mouvements ou des déplacements soudains sans explication évidente. Certains enquêteurs estiment que ces mouvements pourraient être causés par des entités. Spectromètre. Un spectromètre est utilisé pour analyser les spectres de lumière. Dans le contexte paranormal, il peut être utilisé pour identifier des anomalies lumineuses ou des manifestations visuelles inhabituelles. Système d'enregistrement audio en continu. Ces systèmes enregistrent en permanence l'audio de l'environnement pendant les enquêtes paranormales. Ils permettent aux chercheurs de revenir en arrière pour écouter attentivement les enregistrements à la recherche de voix ou de bruits non identifiés. FAQ. 1. Les instruments électroniques sont-ils nécessaires pour percevoir les entités dans la spiritualité? Les instruments électroniques ne sont pas nécessaires pour percevoir les entités dans la spiritualité. Ils fournissent simplement des outils et des méthodes supplémentaires pour explorer et comprendre le domaine spirituel. De nombreuses personnes ont vécu de profondes expériences spirituelles sans utiliser d'instruments électroniques. 2. Les instruments électroniques peuvent-ils garantir une perception précise des entités spirituelles? Bien que les instruments électroniques puissent aider à détecter et à percevoir l'énergie spirituelle, il est important de se rappeler que leur lecture et interprétation sont subjectives. Des facteurs tels que les conditions environnementales, les convictions personnelles et les sensibilités individuelles peuvent influencer les résultats obtenus. Il est crucial d'aborder leur utilisation avec un esprit ouvert et critique. 3. Quelles sont les considérations éthiques lors de l'utilisation d'instruments électroniques dans la spiritualité? L'utilisation d'instruments électroniques dans la spiritualité soulève des considérations éthiques, notamment en matière de communication spirituelle. Respecter les limites et le consentement des entités spirituelles, garantir le bien-être de toutes les parties impliquées et mener des enquêtes avec intégrité sont des principes éthiques fondamentaux qui doivent être respectés. 4. Les instruments électroniques peuvent-ils remplacer les pratiques spirituelles traditionnelles? Non, les instruments électroniques ne doivent pas être considérés comme un substitut aux pratiques spirituelles traditionnelles. Ils peuvent compléter et améliorer l'exploration spirituelle, mais il est important de maintenir une approche holistique qui inclut la méditation, la prière, les rituels et d'autres pratiques consacrées qui favorisent une connexion plus profonde avec le monde spirituel. Page 44, nous allons parler en détail de l'aura. Page 44.